بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 39 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est bien entendu le sharh de Cheikh ibn Uthaymeen sur ce sujet. Et on est arrivé maintenant à l'explication de la partie du livre où le cheikh il dit wa nu'minu bi annahu khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr. C'est-à-dire, et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé sur le trône réglant la marche des choses. Donc, vous allez voir que dans les traductions, parfois, c'est écrit, c'est établi. Hein, et la traduction la plus exacte et la plus correcte, c'est pas de s'être établi, mais plutôt s'est élevé. Parce que l'istiwa, c'est dans le sens de l'élévation. Hein, le fait de s'élever sur une chose ou de monter au-dessus d'une chose. Et donc on va voir qu'une des significations du terme istawa, il y a dans ses définitions ou dans ses explications qu'il y a al-istiqrar, mais dans le sens de al-istiwa ici c'est plus dans le sens de ala wartafa'a, comme les salafs l'ont expliqué et comme c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari lorsqu'il en a parlé dans Kitab al-I'tisam. Et donc, Inch'Allah, on va commencer donc avec l'explication du Cheikh Ibn Uthaymeen à ce sujet-là. Maintenant, on rentre donc dans cet attribut d'Allah qui est l'attribut de Al-Istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône. Et il explique, il dit وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ آيَاتِ الْعُلُوِ الْعَامِ ذَكَرَ الْعُلُوِ الْخَاسِ فَالْعُلُوِ الْعَامِ من الصفات الذاتية التي لم يزل الله سبحانه وتعالى لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها والعلو الخاص هو الاستواء على العرش دليله قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر وقوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة وهي هذه الأيام المعروفة فإن قال قائل كيف تكون بهذه الأيام المعروفة وهذه الأيام المعروفة مترتبة على الشمس وحين خلق السماوات والأرض ليس هناك شمس قلنا إنه بالتقدير لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على خلق السماوات وهذان اليومان ليس فيهما شمس فيقال إن هذا بالتقدير أي بتقدير ستة أيام ثم استوى على العرش. Donc, le Cheikh, il dit, lorsque l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah, il a mentionné dans les points précédents la foi en l'attribut et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indiquent qu'il est au-dessus de sa création. Et c'est l'attribut de l'élévation ou al-ulu. Et il y a al-ulu al-am, c'est-à-dire l'élévation générale, celle qui est au-dessus de toute chose. Et il y a al-ulu al-khas, l'élévation qui est spécifique. Hein? Donc l'élévation qui est générale, c'est le fait qu'Allah est au-dessus de tout, au-dessus de toutes ses créatures. Et l'élévation spécifique, c'est l'élévation sur le trône. Donc, le Cheikh explique que l'élévation générale fait partie de ses attributs, des attributs de son être, puisque c'est quelque chose qui est toujours présent en lui, qui est toujours avec lui, il est toujours au-dessus de tout, et élevé, et haut dans ses attributs, et élevé dans son être également, au-dessus de toute chose. Tandis que il y a l'attribut de al-istiwa al-arsh, l'élévation sur le trône qui fait partie des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait quand il veut et qui est relié à sa volonté. Et la preuve de cet attribut, c'est dans le verset, parmi les versets, parce qu'il y a 7 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il s'est élevé sur le trône dans le Coran. Et un de ces versets-là, c'est le verset 3 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qu'il s'est élevé sur le trône. Et il gère toute l'affaire, il contrôle toute chose. Il dit, le Cheikh, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, le premier de ces jours-là, c'est le lundi, et le dernier, c'est le vendredi. Et donc, ces 6 jours, il dit qu'il a créé le dernier, c'est le vendredi, il dit ces jours... pardon, Al-Awwal, c'est le dimanche, pardon. Al-Ahad, c'est le dimanche. Le premier, c'est donc le dimanche, et le dernier de ces 6 jours, c'est le vendredi, Al-Jumu'ah. J'ai tendance à me mélanger tout le temps entre le lundi et le dimanche, parce que souvent ici, on calcule la semaine en Occident à partir du lundi. Et des fois, les gens, ils ont tendance à dire que lundi, c'est la première journée de la semaine. Alors à cause de ça, en arabe, al-ahad, ça veut dire le premier, et ou bien le 1. Et donc on a tendance à se mélanger entre le lundi et le 1, alors que le lundi c'est le al-ithnayn en arabe, c'est le deuxième jour. Le premier jour c'est le dimanche, al-ahad c'est le dimanche, et al-ithnayn c'est le lundi. D'accord? Donc le premier jour c'est le dimanche, et le dernier jour c'est le vendredi, Jumu'ah. Donc, ce sont ces jours-là. Est-ce que le Cheikh, il mentionne comme la question. Il dit, par exemple, et si quelqu'un nous pose la question, comment est-ce que la création des 6 jours, la création des cieux et de la terre aurait pu être dans ces 6 jours, alors que à ce moment-là, le soleil n'avait pas encore été créé, et les jours tels qu'on les connaît, eh bien, le calcul des jours, tel qu'on connaît les jours de la semaine aujourd'hui, eh bien, tout ça c'est calculé par rapport au soleil. Hein? Alors, comment, dans ce cas-là, on détermine la durée d'une journée s'il n'y a pas un lever et un coucher de soleil? Alors, c'était comme une question en voulant dire comment... Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que si le soleil n'existe pas, comment on pouvait savoir si c'était une journée qui s'est passée? Et le Cheikh, il répond en disant que c'est une durée déterminée, que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminée, et il a appelé ça une journée. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en 2 jours. Avant la création des cieux. Et il dit, ces 2 jours-là, il n'y avait pas de soleil dedans. Et on dit donc que c'est par la détermination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a déterminé la valeur des 6 jours. puis il s'est élevé sur le trône. Il dit قوله ثم أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش فهل هو قبل ذلك مستوى على العرش أم أو لا الجواب إن قلنا لا أخطأنا وإن قلنا نعم أخطأنا لأن الله أخبرنا أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش وسكت عما قبل ذلك فالواجب علينا السكوت نقول الله أعلم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset l'article thumma, hein, ensuite. Thumma ça veut dire puis ou bien ensuite. Donc il a créé les cieux et la terre et ensuite il s'est élevé sur le trône. Alors il dit, c'est-à-dire que après avoir créé les cieux et la terre, il s'est élevé sur le trône. Est-ce que avant cela il était quand même élevé sur le trône ou non? Et la réponse à cette question, c'est que si nous disons non, eh bien nous sommes dans l'erreur. Et si nous disons oui, eh bien nous sommes aussi dans l'erreur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que il s'est élevé sur le trône après avoir créé les cieux et la terre. Et il s'est tu par rapport à ce qui a été fait avant cela. Et donc notre obligation et notre devoir à nous par rapport à ça, c'est de se taire également et de dire Allahu A'lam, c'est-à-dire Allah sait, c'est Allah qui sait. C'est-à-dire que on peut pas savoir avant cela, hein, qu'est-ce qu'il y avait avant cela ou comment Allah subhanahu wa ta'ala était avant cela par rapport à al-Arsh. Hein. On peut seulement dire ce que Allah a dit. Et donc si on ne sait pas, alors on doit s'abstenir et se taire. Et on dit Allahu A'lam. Ensuite, le Cheikh dit Mas'ala. Ma sihhatu qawli ba'dihim. Inna al-hikma min khalqi as-samawati wal-ard fi sittati ayyam annahu yu'allim 'ibadahu al-mu'minina at-tadarruj fi al-ahkam. Al-jawab. ربما تكون هذه من الحكمة فالإنسان قد يستنبط الحكمة بما يظهر لأن الله قادر على أن يخلقها بلحظة وكلمة واحدة. قال العلماء رحمهم الله إن الله علم عباده التأني والإحكام وأن الإحكام أهم من العجلة. وقال الطبائعيون إن هذه المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل في البطن وهذه الأسباب تفاعلت حتى تكونت سماء وأرضا وهذه المدة تحتاج إلى طول ولهذا يفسر الطبائعيون الأيام بغير أيامنا هذه فيقولون هي أيام طويلة إما 50,000 سنة أو غيرها لأنهم يرون هذا التدرج بناء على التفاعل وترتب المسببات على أسبابها. أما نحن فنقول إن الله لو شاء لخلقها بلحظة كما أن الجنين في البطن لو شاء الله لخلقه بلحظة وخرج بلحظة ولكن الله قدر حسب النمو وتتابع الأسباب. Le Cheikh il dit donc que la question c'est que certaines personnes disent, ou bien est-ce que c'est correct ce que certaines personnes disent lorsqu'ils mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux en 6 jours, hein? Ils disent que la sagesse d'avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, c'est pour que les serviteurs croyants sachent que, hein, il y a un ordre, hein, et une, comme si il y a un ordre et il y a une succession des choses dans la création et dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qu'il y a yani des choses qui sont faites de manière c'est-à-dire graduelle, de façon graduelle, hein, les choses qui sont faites de façon graduelle. Et le cheikh il répond à ça en disant peut-être que c'est une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux en six jours. Parce que l'homme parfois il peut essayer d'extraire ou de comprendre des sagesses par rapport à ce qui lui est apparent. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est certain qu'il est capable de créer les cieux et la terre en un seul instant, avec une seule parole. Il dit soit et c'est. Hein? Et les ulama, que Allah leur fasse miséricorde, ils ont dit que Allah a enseigné et a appris à ses serviteurs par cela le fait de prendre son temps et de faire les choses yani, selon les règles et de manière graduelle. Hein? Et que le faire les choses de cette manière, c'est plus important que de se précipiter et de faire les choses rapidement. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu les faire en une fraction de seconde, et il a décidé de créer les cieux et la terre en six jours. Il dit le cheikh que les naturalistes, ou quand on dit les naturalistes, on dit les matérialistes, hein, ceux qui croient que le monde s'est créé tout seul, puis que, ou bien que c'était par hasard, hein, qu'il y a eu un Big Bang, et que tout s'est transformé, tout s'est développé par la suite, tout seul, dans une succession de réactions et d'événements, eh bien, le cheikh, il dit que ces gens-là, eux, ils disent que ces créatures, hein, toutes les différentes créatures et les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala ont des causes, hein, sont reliées à des causes et des successions de réactions qui se produisent, et ils disent que c'est comme le développement du fœtus dans le bébé, dans le ventre de la mère, le fœtus, il se développe selon un certain rythme et de manière graduelle et selon certaines causes. Et c'est ce qui fait que ces causes-là, lorsqu'elles se suivent les unes après les autres, que les choses s'enchaînent et que le bébé se développe. Et ils disent que ces choses-là, c'est la même chose dans la création des cieux et de la terre, puisque elles se sont développées et elles se sont succédées graduellement jusqu'à ce que ça devienne les cieux et la terre, hein, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ça nécessite, selon eux, une longue période de temps. Hein? Et donc, c'est pour cette raison-là que ces matérialistes, parmi les gens de, comme le cheikh, il les appelle les At-Taba'i'iyoun, c'est-à-dire les gens qui se réfèrent à la nature ou qui disent que tout ce qui est, c'est la nature qui fait les choses. Hein? Donc, c'est des matérialistes, des athées, en fait. Eh bien, ils disent que les jours par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, que ce ne sont pas les jours tels qu'on les connaît aujourd'hui dans la durée, mais que plutôt ce sont des jours d'une longue période ou qui valent 50 000 ans ou plus. Hein? Parce que lorsqu'on entend ces gens-là aujourd'hui, quand ils parlent de la création des astres et des soleils, et la création des galaxies, puis de tout ça, vous voyez qu'il parle de milliards d'années. Hein? 2010, ça a pris des millions et des milliards d'années pour que ça se forme, ces choses-là. Donc, eux, ils parlent de périodes, de longueur. Hein? Et le cheikh, il dit, donc ils disent que ça prend des longues périodes d'années et que tout ça s'est produit de façon graduelle, avec l'organisation des causes et des réactions, et ainsi de suite. Le cheikh dit toutefois, nous disons que si Allah aurait voulu, il aurait pu la créer tout ça en un seul instant. Hein, en un seul instant. Comme il aurait pu également créer le fœtus et le faire développer dans le ventre de sa mère, s'il aurait voulu, en un seul instant. Hein, le bébé aurait pu être développé en un seul instant et sortir du ventre de sa mère en un instant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, il a prédestiné que la croissance et le développement et la suite des causes qui font l'évolution de ce fœtus-là soit dans une période de 9 mois. Hein? Donc ça, c'est par sa sagesse et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé. Le cheikh dit ensuite, وقوله استوى على العرش أي على عليه. واعلم أن استوى تأتي في اللغة العربية على أوجه، الوجه الأول مطلقة والوجه الثاني مقيدة بعلى والوجه الثالث مقيدة بإلى والوجه الرابع مقرونة بالواو. Donc le cheikh il explique que dans la langue arabe le terme istawa il se retrouve dans quatre formes. Il se retrouve dans quatre formes. Et le cheikh explique ces quatre formes et il les mentionne de façon résumée. Après, il va élaborer sur chacune de ces différentes formes. Donc, la première, c'est mutlaqa, c'est-à-dire quand le terme istawa est employé dans sa forme absolue, hein, dans sa forme absolue, c'est-à-dire tout seul, sans aucun article rattaché et sans rien relier, hein, tout seul. Et il va mentionner des exemples de chaque. فإذا جاءت مطلقة أو مطلقة صار معناها الكمال ومنها قوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى أي كمل في خلقته وعقله. Donc le cheikh il dit quand le terme استوى est employé tout seul de manière absolue, sa signification c'est la perfection, le perfectionnement, hein, la complétion, le fait que quelque chose devienne complet et devienne, hein, parfait. Et l'exemple de ça c'est le verset 14 dans sourate Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit falamma balagha ashuddahu wastawa. Hein, enfin, on va lire qu'est-ce que ça veut dire. Le verset dans sourate Al-Qasas, le verset 14. Naam. Si je me rappelle bien, ça parle de Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il mentionne ici dans ce verset? Naam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, le verset 14, et quand il eut atteint sa maturité, hein, et sa pleine formation, hein, istawa, c'est-à-dire sa perfection. Quand il a été complété dans sa forme, hein, complété dans sa forme et dans sa maturité, il a atteint sa force. Hein, en parlant de Moussa alayhi salam, quand il est devenu un homme. Hein, donc, c'est-à-dire que sa création et sa raison sont devenues complètes, sont devenues parfaites. L'autre exemple, le deuxième cas de l'utilisation du terme istawa, c'est lorsqu'il est employé avec ala, avec la préposition ala. Et ala, pardon, le terme ala en arabe, il signifie sur. Hein, c'est une préposition qui signifie sur ou au-dessus, déjà. Donc juste le terme « ala » tout seul signifie « sur ». Donc si tu mets « istawa » devant, donc ça ne peut pas vouloir dire autre chose que d'être au-dessus. Hein, puisque tu dis « istawa ala », hein, et c'est élevé « sur », au-dessus. Et donc il explique le cheikh que lorsque il dit « wal-muqayyadatu bi-ala takunu bi-ma'na al-ulu » ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت. وقوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي علوتم عليه. Donc on va lire maintenant l'exemple qu'il a donné ici. Le cheikh il dit que quand le terme استوى est employé avec على après, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire s'élever et être au-dessus d'eux. Et il mentionne deux exemples de ça. Le verset 28 dans Sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il fait allusion à la montée de Nuh alayhi salam et des croyants avec lui dans le bateau, dans l'arche. Donc c'est le verset 28. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: et lorsque tu seras installé, hein, lorsque tu seras installé, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit ici, mais plutôt, ce serait plutôt, lorsque tu seras monté, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis louange à Allah, hein, lorsque tu seras monté, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, hein, donc ici on voit, ici clairement que la signification c'est de monter sur le bateau, hein, non pas de s'installer. Ça c'est la traduction qu'on a mentionnée tout à l'heure qui était tirée de certaines traductions lorsqu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'est élevé sur le trône, il dit s'établir, hein, s'établir ou s'installer. Ça c'est une interprétation qui est incorrecte par rapport à la signification ici, puisque la signification correcte ici c'est de s'élever, de monter sur. L'autre verset que le cheikh il a cité pour donner encore plus de sens, plus de force à cette interprétation là, c'est le verset 13 dans sourate Az-Zukhruf, qui est encore plus évidente. Donc on va lire ensemble ce verset là. C'est le verset dans lequel il y a l'invocation qu'on doit dire lorsqu'on monte sur une monture quelconque. On fait ce dua là quand on monte en voiture ou sur un animal, hein, ça c'est clair. Et encore une fois, ils ont fait l'erreur de traduire ça par installer, hein, s'installer. Mais la vraie traduction plutôt c'est litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi. Donc le verbe istawa, il est employé dans ce verset deux fois. Dans le verset 13 dans sourate Az-Zukhruf, le terme istawa ou le verbe istawa, il est employé à deux reprises dans le même verset. Donc au début du verset, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi. Hein? Donc le cheikh il cite ce verset, puis après on va lire donc la signification, afin que vous montiez sur leur dos, hein, et qu'ensuite après vous y être, hein, après y être monté, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur que vous disiez gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer, et c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Donc ça c'est l'invocation en question, et c'est encore une fois ce qui indique ici la signification du terme istawa lorsqu'il est suivi de ala, litastawu ala et idastawaytum alayhi. Donc le terme ala il est après, ce qui indique que c'est dans le sens d'être au-dessus et de monter sur. D'accord? L'autre emploi du terme istawa, c'est lorsqu'il est employé avec ila. Lorsqu'il est employé avec la préposition ila. Al-muqayyadatu bi ila takunu bi ma'na al-qasd. Wa minhu qawluhu ta'ala thumma istawa ila as-sama'i ثم استوى إلى السماء وهي دخان على أحد القولين. Donc le cheikh il dit ici, lorsque le terme istawa est employé avec ila, alors il est dans la signification de l'objectif ou le but, hein, ou l'intention, hein, ou yani vers quelque chose, hein, l'intention, le but ou de cibler quelque chose. Et donc ici il cite le verset 11 dans sourate Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit thumma stawa ila as-sama, c'est-à-dire que ensuite il a mis il s'est tourné vers les cieux alors qu'elles étaient en fumée, hein. Donc il a mis son attention sur les cieux alors qu'ils étaient en fumée. Et on va voir comment ils l'ont traduit ce verset-là. Dans le verset 12, non, c'est le verset précédent, le verset 11, il dit « Et il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors en fumée, hein, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. » Donc Allah s'est adressé, ici c'est dans le istawa ila, c'est dans le sens de s'adresser, hein, de s'occuper des cieux et de la terre. Ici ensuite le cheikh il mentionne le quatrième cas, c'est l'emploi de istawa avec le terme waouh, hein, et lorsqu'il est employé avec le waouh, eh bien, ça a le sens de l'égalité, ou le fait d'être à égalité, ou d'être égal. L'exemple, il dit, وَالْمَقْرُونَةُ بِالْوَاوُ تَكُونُ بِمَعْنَ التَّسَاوِي كَقَوْلِهِمْ اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةُ وَهَذَا الْمِثَالِ يَذْكُرُهُ النَّحْوِيُّونَ فِي التَّمْثِيلِ لِوَاوُ الْمَعِيَّةِ وَمَعْنَ اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةُ أي تساوى الماء والخشبة، والخشبة هي التي تكون في أعلى البئر. Donc le cheikh il dit que l'utilisation ici du terme istawa avec le waw, lorsqu'on l'utilise et qu'on met le waw après, eh bien dans ce cas-là ça veut dire le fait d'être à égalité, hein. Et il donne l'exemple que les savants de grammaire utilisent parfois lorsqu'ils veulent donner l'exemple pour waw al-ma'iyya, eh bien ils disent istawa al-ma'u al-khashaba, c'est-à-dire l'eau et le morceau de bois sont arrivés à égalité. Istawa, donc c'est dans le sens de d'être arrivé à égalité. Le cheikh il dit que ici ça veut dire que dans un puits, par exemple, quand l'eau monte et qu'elle arrive à égalité avec le morceau de bois, hein, c'est dans ce sens-là ici, istawa, d'être à égalité, quand on l'utilise avec le waw, istawa al-ma ou al-khashaba. Le cheikh, il dit donc, ça c'est quatre cas, quatre situations dans lesquelles on retrouve l'utilisation du terme istawa, lorsqu'il est relié à rien, comme on l'a dit au début, lorsqu'il est relié avec le ala, lorsqu'il est relié avec ila, et lorsqu'il est relié à waouh, et dans chacun de ces cas-là, il a une signification différente. D'accord? Et le cheikh dit, فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهُ تَرِدُ عَلَيْهَا اسْتَوَى وَلَمْ تَرِدْ اسْتَوَى مُقَرَّنَةً بِعَلَى بمعنى غير العلو ولكن ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه عبر بقوله استوى على العرش أي ارتفع وارتفع بمعنى على وبعضهم قال استوى على العرش أي صعد عليه يعني صعد على الشيء بمعنى على عليه فهذه ثلاث كلمات بمعنى واحد. Donc le cheikh il dit les quatre significations, hein, donc les quatre cas dans lesquels on emploie le terme istawa sont les quatre qu'on a mentionnés. Et qu'est-ce qu'on veut mentionner, pourquoi on a mentionné ces cas-là ici? C'est dans le but de faire comprendre une chose, c'est que lorsqu'on emploie le terme istawa avec ala, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que de s'élever au-dessus de quelque chose. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset istawa ala al-arsh, il emploie le terme istawa et après avec ala. Donc ça veut dire qu'il s'est élevé sur le trône. Ça ne peut pas vouloir dire autre chose que ça. D'accord ? Et la raison pourquoi c'est bon de savoir ces quatre cas-là et les significations qui sont reliées à ces quatre utilisations, c'est que parfois vous allez trouver parmi les gens de bid'a, comme les Asha'ira, et parmi eux les Ahbash, yani, ils vont parfois essayer de jouer avec ça, avec les significations. Et ils vont dire que le terme istawa peut avoir beaucoup de significations et que donc dans ce cas-là, c'est pas possible de savoir ce que ça signifie puisqu'il y a tellement de significations possibles. Hein? Et ça, c'est un mensonge parce que c'est vrai que le terme istawa peut avoir plusieurs significations. Mais la signification en question, elle se comprend par rapport au contexte de la phrase et dans le sens dans lequel il est employé. On peut savoir sa signification spécifique. Donc, de prétendre que parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, on ignore sa signification, ça c'est, hein, quand même, c'est d'essayer de jeter de la poudre aux yeux, comme on dit. Parce que, lorsque le terme istawa est employé avec ala, il ne peut pas vouloir dire autre chose que le fait de s'élever au-dessus de quelque chose ou de monter sur quelque chose. Et le cheikh il dit qu'il a été mentionné de la part des salafs, de la part de certains d'entre les salafs qui ont expliqué le terme istawa ala al-arsh en disant que ça veut dire irtafa'a. Irtafa'a en arabe ça veut dire yani de s'élever, de monter, hein, irtafa'a, parce que le mot en arabe, le verbe rafa'a, ça veut dire de soulever, hein, ou de monter. Et quand tu le mets sous la forme ifta'ala, donc ça devient irtafa'a, ça veut dire que la chose elle-même qui s'élève, la chose elle-même qui monte. Et il dit c'est dans le sens de ala. En arabe, ala, ça veut dire monter, hein, s'élever. Et d'autres parmi les salafs ont expliqué le terme istawa ala al-arsh, de s'élever sur le trône en disant, hein, de monter par-dessus, de s'élever dessus, hein, au-dessus de. Et ça, encore une fois, sa'ida, c'est la même chose, c'est le même sens que irtafa'a. Sa'ida, irtafa'a, ala. Les trois sont la même signification. C'est des synonymes qui veulent tous dire de s'élever au-dessus d'une chose. Na'am. Donc c'est pour ça. Ça, c'est une bonne manière pour répondre à ceux qui veulent lancer des ambiguïtés et faire croire que on ne peut pas savoir qu'est-ce que le terme signifie. Donc là vous pouvez facilement répondre à ce genre de shubha, hein, pour les gens qui pour les gens qui veulent jouer avec les mots, hein, et détourner les paroles de leur sens. Et le cheikh il dit وَبَعْدُهُمْ قَالْ إِسْتَوَى عَلَى كَذَا أَيْ إِسْتَقَرَّ مثل قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي استقررتم فهذه أربعة ألفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى استوى على العرش وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية وقال إنها وردت عن السلف ولكن المعنى الواضح الظاهر أنها بمعنى على أما الاستقرار فهو شيء زائد على العلو فلو أن اقتصرنا على أنها بمعنى على لكان جيدا وإن قلنا على واستقر فلا مانع إن شاء الله تعالى. Le cheikh il explique que en ce qui concerne certains parmi les salaf ont dit que istawa ala kada, s'élever sur telle chose, telle ou telle chose, ça signifie istaqarra. Ça c'est une des significations qu'ils ont mentionnées. On a dit tout à l'heure de s'installer ou bien de s'établir, hein. Et le cheikh il dit que il cite comme exemple de ça le verset qu'on a lu tout à l'heure dans le verset 13 de sourate Al-Az-Zukhruf. Litastawu ala zuhurihi ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. Hein, pour que vous vous installiez sur leur dos et que vous vous souveniez de la miséricorde de votre Seigneur, ou la grâce de votre Seigneur lorsque vous montez sur celle-ci ou que vous vous installiez sur celle-ci. Le cheikh, il dit qu'ils ont interprété ça par al-istiqrar, le fait de s'installer. Le cheikh explique que ces quatre termes ont tous été mentionnés par les salafs, c'est-à-dire le terme irtafa'a, le terme ala, le terme sa'ida et le terme istaqarra. Ça, c'est les trois définitions qui ont été données par les salafs pour le terme istawa. Ces quatre significations-là sont mentionnées dans les tafsirs des salafs de ce verset istawa ala al-arsh. Et l'imam Ibn al-Qayyim Al-Jawziya, dans son livre An-Nuniya, le poème qu'il a écrit pour défendre la aqida des salafs, il a mentionné que ces quatre définitions-là sont mentionnées chez les salafs. Puis il a dit que, toutefois, la signification la plus claire et apparente, c'est que le mot istawa signifie ala, c'est-à-dire de s'élever. Tandis que al-istiqrar, le fait de s'installer ou de s'établir, c'est une chose superflue ou bien rajoutée, hein, c'est une chose ajoutée au fait d'être élevé. Et si on se limitait uniquement à la signification de dire que ça veut dire de s'élever ou de monter sur quelque chose, que ça ce serait bon, que ce serait bien. Toutefois, si tu dis s'élever et de s'installer ou de s'élever et de s'établir, alors il n'y a pas de mal à cela, inshallah. C'est-à-dire que le terme, si tu utilises la traduction istaqarra, hein, istaqarra, c'est-à-dire de s'installer ou de s'établir, eh bien, ça c'est en réalité quelque chose de surplus, hein, c'est quelque chose qui est surplus à la signification du mot istawa. C'est-à-dire que le mot istawa lui-même, il veut dire de s'élever au-dessus, et non pas de s'installer ou de s'établir. Mais si tu dis de s'élever et de s'établir, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Et le cheikh, il explique, il termine ça en disant: وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِسْتِوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعٍ كُلُّهَا بِهَذَا اللَّفْظِ إِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné les versets dans le Coran dans lesquels il a mentionné al-istiwa ala al-arsh, le fait qu'il s'est élevé sur le trône, dans sept différents endroits, dans sept versets différents dans le Coran. Et donc dans tous les sept endroits il mentionne la même formule, hein, que Allah s'est élevé sur le trône. Donc, je vais vous donner les versets en question pour que vous puissiez retourner à ces différents versets. Il y a le verset 54 dans Surat Al-A'raf. Donc, le verset 54 dans Sourate Al-A'raf. Ensuite, il y a le verset 3 dans Sourate Yunus. Ensuite, il y a le verset 2 dans Sourate Ar-Ra'd. Ensuite, il y a le verset 5 dans Sourate Taha. Ensuite, il y a le verset 59 dans Sourate Al-Furqan. Et ensuite, il y a le verset 32 dans la sourate 4 Surat al-Sajda, le verset 4 dans Surat al-Sajda, qui est la Surat numéro 32. Donc le verset 4 dans Surat al-Sajda. Et ensuite, le verset 4 dans Surat al-Hadid. Ça, c'est le dernier. Naam. Donc, on va les répéter rapidement. Le verset 54 dans Surat al-A'raf. Le verset 3 dans Surat Yunus. Le verset 2 dans Surat al-Ra'd. Je crois que c'est ça qu'on a dit, le verset Surat al-Ra'd. Oui. Et le verset 5 dans Surat Taha, et le verset 59 dans Surat Al-Furqan, et le verset 4 dans Surat Al-Sajda, et le verset 4 dans Surat Al-Hadid. Donc il y a trois sourates dans lesquelles Le verset 4 est un verset dans lequel il mentionne qu'il est au-dessus du trône. Dans deux versets, c'est le verset 4, Al-Sajda et Al-Hadid. Les deux, c'est le verset 4. Puis, dans le verset 54, dans Surat Al-An'am, puis après, c'est 3, 2, 5. Et 59. Il y en a 3, c'est le verset dans Surat. Verset 3 dans Surat Yunus, on l'a dit. Le verset 2 dans Surat Ar-Ra'd. Et le verset 5 dans Surat Taha. Puis 59, c'est dans Surat Al-Furqan. Donc là, c'est les 7 versets qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé sur le trône. Donc moi, je vais m'arrêter ici, je crois, parce que je pense que je vais prendre une petite pause. Et après, je reviens dans quelques minutes pour continuer pour faire l'autre cours de Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour faire la suite de le cours de Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc, on va s'arrêter ici pour tout de suite. On prend une petite pause puis on reprend tout de suite après. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.